Changement de décor. Alors, c'est la Saint-Valentin et vous êtes installé avec votre petite amie à la terrasse d'un restaurant. Vous êtes sur votre 31, tous les deux très détendus. Le dessert arrive, c'est un gros gâteau rouge, un gâteau à la crème en forme de cœur que l'on pose juste devant vous. Vous attendez impatiemment qu'on vous serve en salivant devant ce gros cœur au joli creux en forme de V au milieu. Alors vous suivez le contour du creux de ce cœur avec votre doigt, en descendant d'abord, puis en remontant. Vous passez votre doigt sur la crème rouge du gâteau, d'abord en descendant dans le creux, puis en remontant. Dans votre tête et votre corps, ce ton descendant et remontant sera toujours associé à votre index et votre majeur formant un V rouge. Il est rouge car vous l'avez utilisé pour dessiner le cœur rouge. Alors serrez votre poing en ne laissant sortir que votre index et votre majeur, qui, vous le remarquerez, sont devenus rouges et formez un V rouge comme le V de la victoire. Alors voyez et sentez bien le son qui descend depuis le milieu de l'index jusqu'au bas du V, puis qui remonte tout au long du majeur jusqu'en haut. Alors le gâteau est rouge, votre V est rouge, le ton est rouge. Nous associerons ce V rouge à un ton descendant et remontant. Bien, alors en chinois, le mot « je » ou « moi » se dit « 我 », le V rouge de la victoire. « 我 ». Alors comment dit-on « je » en chinois ? « 我 ». D'accord. Encore une fois, comment dit-on « je » en chinois ? Wo. Bien. Et comment allez-vous utiliser le ton descendant et remontant du V rouge avec le mot chien ? Chien. Et avec le mot mur ? Mur. Et avec le mot bar ? Bar. Alors, utilisez votre main pour dessiner le son qui descend et remonte, comme si vous suivez les contours du cœur rouge. Vous devez vraiment utiliser votre main pour le dessiner et pas seulement l'imaginer. Laissez vos doigts descendre et remonter dans le creux en forme de V rouge du gâteau. Alors, dites-vous bien que c'est « ma Saint-Valentin », c'est pour « moi ». Le mot « moi » se dira comme le mot « je », c'est-à-dire « wo ». C'est ça, ça veut donc dire à la fois « je » et « moi ». On vous apporte le gros gâteau rouge en forme de cœur, vous êtes émerveillé, et laissez échapper un « waouh » admiratif. Donc, comment direz-vous « je »? « Wa ». Ce qui veut dire ?« Wa » veut dire « moi ». Exactement. « Wa » c'est « moi ». Ou si vous êtes chinois, « wo » c'est « moi ». La voix descend, puis remonte. Wo. Oui, utilisez votre main et faites le V rouge de la victoire. Je se dira. Wo. De quelle couleur est le cœur ? Rouge. La Saint-Valentin est un jour exceptionnel, et c'est pour ça que votre petite amie vous a invité à déguster ce gâteau rouge en forme de cœur. Vous laissez échapper un « waouh ». Admiratif. Donc, faites le signe rouge de la victoire et dites le mot chinois pour « je ». Wow. À propos, comment dites-vous « milieu » ? Chong. Donc, le pouce vert. Alors, encore une fois. Chong. Chong. Et comment dites-vous « personne » ? Ren. Ren. Ren. Un. Qu'est-ce que tu dis? Une fois de plus, comment dit-on personne? Ren. Ren. Et comment dit-on je? Wo. Wo.